pas les couilles, trois, une entrée dans le rap, plutôt fracassant. On élimine plusieurs rappeurs de manière incandescente, et c'est le tremplin. Mais pas des illusions, c'est qu'on doit évoluer, mais on fera pas les distorsions. C'est avec derf que j'opère, plutôt que j'opérais. Je raccroche d'une histoire de merde, on s'était séparés. Mais t'inquiète pas, on revient plus fort qu'avant. On a revu nos textes, nos flots pour faire taire les putes dans le temps. Puis on rentre dans un collectif devenant des guerriers, forcé de quitter vu qu'on n'a pas la même mentalité. À nouveau seul, j'essaie d'avancer, puis un soldat me rejoint ça haut. On est déterminé, il me redonne le panache que j'avais perdu. On crée un nouveau collectif pour que cet effet perdure. Overdose de rimes, fusil à l'épaule, barre-toi. Ou épaulé de Gaza, t'attendras sûrement. Écoute nos vidéos, nos scripts, le goût c'est quoi? C'est que le premier chapitre, trop d'MC rentrent dans le décor. C'est nos histoires qu'on te raconte. C'est pas la fin du livre, mais ça commence. Écoute nos vidéos, nos scripts, le goût c'est quoi? C'est que le premier chapitre, trop d'MC rentrent dans le décor. C'est nos histoires qu'on te raconte. C'est pas la fin du livre, mais ça commence. 2007, ça roue à cause des lieux. Beaucoup de rappeurs, mais ce qu'ils veulent, c'est sortir du lot. Alors ils taffent jour et nuit pour quelques heures sans vœux. Et puis ils bossent sur des sons pour montrer ce qu'il faut. Et puis ils taffent, et puis ils taffent, et puis ils grattent, et puis ils grattent. À 14, pour premier morceau, forte sensation. Quand ils montèrent l'eau de R avec ma main et distorsion, ils commencent à poser sur des sales sons. C'est là qu'ils ont fait Ghetto King, mais bon, passons. Par manque de prod, ils posèrent sur des faces. Mais plus vite fait, en 2008, ils ont recruté des ZZ. Mais bon, y'a toujours Achille sur le déco, des grosses prod et Chico. Ça bat les couilles de ce que vous dites, on va pas lâcher Cogno. Hein, t'as passé le coup sur le polo, bam bam, que sortira nos projets solo. Écoute nos vidéos, nos scripts, le goût c'est quoi? C'est que le premier chapitre, trop d'MC rentrent dans le décor. C'est nos histoires qu'on te raconte. C'est pas la fin du livre, mais ça commence. Écoute nos vidéos, nos scripts, le goût c'est quoi? C'est que le premier chapitre, trop d'MC rentrent dans le décor. C'est nos histoires qu'on te raconte. C'est pas la fin du livre, mais ça commence.